Nous qu'a travaillé toute la semaine, pas ni temps pour nous, ouais, nous. Mais pour nous, tchèmbe, pour faire l'amour. Ni des jours moins qu'à rêver, ni des jours moins qu'à planer. C'est là où tchèmbe, moins qu'à rêver, c'est moins.